des sens. On ne va pas se pencher sur tout ce qui a trait aux règles du jeûne, bien que ce soit là quelque chose de très important. Mais pour différentes raisons, notamment le fait que le temps qu'il y a devant nous est court. Na'am. Et étant donné également que je ne suis pas la personne la plus habilitée à aborder ce genre de sujet-là, et également du fait que j'ai souhaité aborder avec vous d'autres aspects, na'am, liés aux enseignements à tirer de ces versets-là, on va plutôt se pencher ensemble sur des enseignements d'ordre dogmatique, na'am, et d'ordre, si on peut dire ainsi, spirituel, na'am, à l'approche de ce mois de Ramadan. Al-Wakhfatul Oula ma'a tarikh fard as-siyam. سمعتم أن الله تبارك وتعالى ولعل كثيرا منكم يحفظ هذه الآيات. سمعتم أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهذه اللفظة من ألفاظ الوجوب، كتب عليكم الصيام. هذه العبادة الجليلة في هذا الموسم العظيم شهر رمضان كتبت وفرضت على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها في الصيف، والوقفة الثانية مع تعريف الصيام، كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة هو الإمساك، مجرد الإمساك، حتى لو أمسكت عن الكلام إن هذا يسمى صياما. وأنتم تقرؤون في سورة مريم لقول الله تبارك وتعالى إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ففي اللغة الصيام هو مجرد الإمساك، وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس بقصد التعبد لله تبارك وتعالى. وهذا القيد الأخير قيد مهم جدا، وإن كان يغفل عنه بعض الناس، فإنه قيد مهم، لأن هناك من يمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في هذه الفترة من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس، لكنه يفعله على وجه العادة أو لغرض صحي، ولا يفعله تقربا إلى الله جل في علاه، فهذا لا يعد صياما في الشرع، لأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بقصد التعبد لله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم لا بد من التنبيه عليه، لا سيما في زمان يكثر فيه أداء هذه العبادة العظيمة تقليدا لعادات الآباء، فلا بد من التنبيه على ذلك. Le premier enseignement à aborder concernant ces quelques versets concerne la date à laquelle cette éminente adoration a été rendue obligatoire. Vous avez entendu, et il est fort probable qu'une grande partie d'entre vous mémorise à la base ces versets. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans la traduction approximative du sens de sa parole, « Ô vous qui avez la foi, le jeûne, ou on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. » Na'am. Il faut savoir que le jeûne a été prescrit aux musulmans, il aura été rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. Ce qui signifie que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jeûné le mois de Ramadan à 9 reprises. Et il les a jeûnés à chaque fois, c'était en période estivale. Le deuxième enseignement que l'on peut soulever, il est relatif à la définition du jeûne. On a dit donc, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans ce verset, « Oh vous qui avez la foi, on vous a prescrit le jeûne. » Le jeûne, c'est la traduction approximative de ce que l'on appelle en arabe « as-siyam ». Et le terme « as-siyam », dans la langue arabe, dans un aspect purement linguistique, ça signifie « al-imsak », l'abstinence. L'abstinence, de manière générale. Même si tu t'abstiens de parler, linguistiquement parlant, en langue arabe, on peut appeler ça donc « siyam ». C'est d'ailleurs dans ce sens-là que tu trouves dans sourate Maryam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en relatant la parole de Maryam, ou plutôt ce que l'ange lui a dit de dire, « Inni nadhartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. » J'ai fait le vœu aujourd'hui d'accomplir un jeûne pour le tout miséricordieux. C'est ainsi, aujourd'hui je ne parlerai à aucun être humain. Donc le terme « siyam » ici, il vise le fait de s'abstenir de parler. Donc linguistiquement parlant, ça a une portée large. Ça vise l'abstinence de manière générale. Dans la religion, quand on parle du siyam, quand on parle du saum, ce que l'on traduit approximativement par jeûne, il faut savoir que ça vise le fait de s'abstenir, de manger et de boire et d'accomplir le restant des annulatifs du jeûne à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Et cette dernière précision-là est très importante, car il est envisageable, et il est même malheureusement courant, que certaines personnes s'abstiennent de manger et de boire et d'accomplir le restant des annulatifs du jeûne durant cette période, à savoir depuis le matin jusqu'au soir. Mais ils ne le font pas en cherchant par là à concrétiser ce principe d'adoration exclusive voué à Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils le font plutôt pour suivre une habitude, coutume, ou pour un motif médical. Tu trouves même certains non-musulmans qui jeûnent parce qu'ils ont des fréquentations musulmanes. Et donc ils veulent jeûner avec eux par compassion ou pour tester. Mais en aucun cas pour chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or, religieusement parlant, le jeûne, as-siyam, c'est le fait que tu t'abstiennes de manger et de boire et d'accomplir le restant des annulatifs du jeûne à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waqfa al-thalitha ma'a qawlihi 'azza wa jalla كما كتب على الذين من قبلكم فقد كتبت وفرضت هذه العبادة على الأمم السابقة ونستفيد من ذلك أن في الصوم مصالح عظيمة للخلق في كل زمان سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنياوية لذلك فرضها الله تبارك وتعالى على جميع الأمم وفي ذلك إشارة لطيفة وإلى التنشيط إلى أو لمنافسة هذه الأمم الله تبارك وتعالى ينشط عباده المؤمنين الصالحين لينافسوا هذه الأمم السابقة في أداء هذه العبادة الجليلة التي هي صوم شهر رمضان. Le troisième enseignement que l'on peut tirer, il est lié à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction approximative du sens et comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc on retient de ce passage-là que le jeûne a été prescrit aux communautés passées. Et dans le fait que le jeûne ait été prescrit aux communautés, à toutes les communautés, il y a l'affirmation du fait qu'il contient des intérêts aussi bien terrestres liés à ce bas monde que religieux, et ce en tout temps. Également, il y a dans cela une indication subtile vers le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala motive par cette information-là ses pieux serviteurs afin qu'ils cherchent à concurrencer les communautés passées dans l'accomplissement de cette éminente adoration qu'est le fait de jeûner, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. الوقفة الرابعة مع قوله عز وجل لعلكم تتقون. نستفيد من ذلك أن الغاية من هذه العبادة هي تحقيق تقوى الله. الله تبارك وتعالى قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من أداء هذه العبادة على وجه الخصوص هي تحقيق تقوى الله. واعلم أيها الموفق أن هذه الغاية هي الغاية من العبادة على وجه العموم. الغاية من العبادة تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة وتجريدها لله تبارك وتعالى هي الحكمة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس. فإنه قد قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. فالحكمة من خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس هي عبادته عز وجل وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. بتعبير آخر هو تحقيق التوحيد. والغاية من ذلك تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. وإذا ما نظرنا إلى هذه العبادة على وجه الخصوص، أعني عبادة الصيام، نجد أن الغاية من وراء أدائها هو كذلك تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. ما هي التقوى؟ لا نسأل ولا نمل من التذكير بأهميتها ومكانتها، لأنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الأنبياء لأممهم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خصوصا ولأمته عموما. فإنه كان يوصي أصحابه بذلك سواء كانوا مجتمعين أو منفردين. لما وسنذكر هذا الحديث في الحصة التي بعد صلاة المغرب إن شاء الله، حديث العرباد بن سارية قال العرباد ذاكم الصحابي الجليل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله إلى آخر الحديث أول وصية قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الوصية بتقوى الله وكذلك في حديث معاذ ابن جبل نعم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أول وصية قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الوصية بتقوى الله وهي وصية سلفنا الصالحين بعضهم لبعض كما ورد ذلك كثيرا فيما أثر عنهم رضوان الله عليهم والتقوى كما عرفها أهل العلم أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي فلا بد من أن نجعل هذا المبدأ العظيم نصب أعيننا في حياتنا كلها نعم وعلينا جميعا أن ندرك أن تحقيق هذا المبدأ العظيم هو الغاية من العبادة وفي الصيام من مظاهر التقوى أولا تحقيق العبودية ثانيا تدريب النفس على مراقبة الله تبارك وتعالى ثالثا تضييق مجاري الشيطان رابعا الإكثار من الطاعات وخامسا مواساة الفقراء إلى غير ذلك من مظاهر التقوى التي في أداء هذه العبادة العظيمة. Le quatrième enseignement que l'on peut tirer donc de ces versets, il est lié au passage dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit afin que vous atteigniez le degré de crainte pieuse. Je récapitule donc le verset, ou je le rappelle. Ô vous qui avez la foi, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez le degré de crainte pieuse. On retient donc de ce passage-là le fait que le but à viser derrière l'accomplissement de cette adoration éminente qu'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est le fait d'atteindre ce degré de crainte pieuse. Et il faut savoir que de manière générale, c'est le but avisé derrière la concrétisation de ce principe d'adoration exclusive que nous devons vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah a dit dans un autre passage de son noble livre, « Ô vous les gens, adorez exclusivement votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez le degré de crainte pieuse. » Sachant que ce principe d'adoration exclusive que nous devons vouer à Allah subhanahu wa ta'ala correspond à la sagesse pour laquelle il a créé les djinns et les hommes. Il a en effet dit dans un autre passage de son noble livre, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent exclusivement. » Donc la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes, c'est qu'il l'adore exclusivement. Et le but à viser derrière cela, c'est le fait de concrétiser ce principe de crainte pieuse, de taqwa. Qu'est-ce donc la taqwa? Qu'est-ce donc que la crainte pieuse? En vérité, on ne devrait jamais se lasser de rappeler cette chose-là. Comment pourrions-nous nous en lasser alors que c'est là l'objet du du commandement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a adressé aux premières et aux dernières générations. Il a en effet dit dans son noble livre, et nous avons certes donné le commandement à ceux à qui le livre a été attribué avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre pieusement Allah. Et c'est également l'objet des commandements adressés par les prophètes à leur communauté. Notamment, notre prophète, qu'Allah le couvre des loges et le salue, les commandements qu'il adressa de manière spécifique à ses compagnons et de manière générale à l'ensemble de sa communauté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il commandait à ses compagnons qu'ils soient réunis ou qu'ils soient tout seuls, la crainte pièce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme nous le retrouvons à titre d'exemple dans un hadith que nous allons certainement mentionner au cours de l'assise qui aura lieu après la prière du Maghreb, si Allah le veut. Ce hadith qui est relaté par Al-Urbad ibn Sariya, ce noble compagnon qui a dit, le messager d'Allah nous a un jour adressé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire alors, je vous commande la crainte pièce d'Allah, jusqu'à la fin du hadith. Et comme je l'ai dit, donc on aura l'occasion, si Allah le veut, après le Maghreb, de le mentionner dans son intégralité. Et ce que l'on retient pour l'instant, c'est que le premier des commandements donné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, après qu'il lui ait demandé une recommandation, c'est le fait de leur commander la crainte pièce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'était le cas également lorsqu'il s'adressait à certains de ses compagnons de manière isolée, notamment dans ce qui a été rapporté de Mu'ad ibn Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a un jour dit, crains pieusement Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action et elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Première recommandation donnée ici, le commandement de la crainte de pièce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est également l'objet des recommandations que s'échangeaient nos pieux prédécesseurs, comme on peut le retrouver dans bon nombre de récits qui sont rapportés d'eux. Donc cela nous mène à nous poser la question, qu'est-ce donc que la taqwa? Qu'est-ce donc que la crainte de pièce d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Les ulama ont défini cela en disant que c'est que tu places entre toi et le courroux, le châtiment d'Allah et sa colère, une barrière, en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. C'est une barrière qui n'est pas visible, mais qui est plutôt constituée d'œuvres pièces d'une part et du délaissement d'actes répréhensibles d'autre part, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous assister dans la concrétisation de cela. Il faut savoir que dans l'accomplissement de cette adoration qu'est le jeûne, il y a de nombreuses manifestations de la concrétisation de ce principe de crainte pieuse. Parmi les manifestations de cela, il y a la concrétisation de l'adoration exclusive d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné d'accomplir cette adoration-là. Et dans le fait donc de l'accomplir, il y a le fait de venir concrétiser ce principe d'adoration exclusive, à condition bien sûr que cela soit voué à Allah seul et sans associé. La deuxième des manifestations de ce principe de crainte pieuse, c'est le fait d'entraîner son âme à observer les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. tout en gardant à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que nous faisons, nous voit et nous entend. Et dans le fait de venir accomplir cette adoration-là, alors que c'est une adoration qui est secrète, ce n'est pas comme la prière. La prière, c'est quelque chose de visible. Il y a d'autres adorations également qui sont visibles. Mais le jeûne, c'est quelque chose qui n'est pas visible aux yeux d'autrui. Et dans le fait de l'accomplir malgré tout, il y a la concrétisation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il y a également une manière de s'habituer au fait de garder à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous observe. Troisièmement, le fait de venir réduire le passage de Satan dans le corps. Quatrièmement, le fait également de multiplier les actes d'obéissance. Car durant ta journée de jeûne, tu es censé multiplier les actes d'obéissance. En termes de lecture du Coran, en termes de prière, en termes d'aumône, et ainsi de suite. Et plus tes actes d'obéissance augmenteront, plus ton degré de crainte pieuse augmentera également. Et enfin, il y a également dans l'accomplissement de cette adoration-là une forme de compassion, ou plutôt une manière d'entretenir la compassion que nous devons avoir pour les pauvres. Car la personne, durant cette journée-là, elle ressent ce que les pauvres et les indigents et les besogneux peuvent ressentir en termes de faim et de soif et de besoin. Et c'est ainsi donc qu'il va faire preuve de compassion, si Allah le veut, pour ceux qui sont pauvres et indigents. Et il y a donc également d'autres manifestations de ce principe de crainte pieuse. J'en ai mentionné 5 ici. Et il y a certainement l'occasion de développer encore plus cela dans d'autres contextes. الوقفة الخامسة مع قوله عز وجل أياما معدودات. في ذلك إذ إشارة إلى سهولة أداء هذه العبادة هذه الفريضة وذلك من وجهين. الوجه الأول يتعلق بما سمعتم من قوله عز وجل أياما معدودات، فإنها أيام قليلة هذه العبادة مع عظمتها تؤدى في أيام معدودات، أيام قليلة. والوجه الثاني متعلق بقوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي ذلك وجه آخر مبين لسهولة أداء هذه الفريضة العظيمة. Cinquième enseignement que l'on peut tirer, il est lié à la facilité et à la simplicité résidant dans l'accomplissement de cette obligation religieuse. Et ce, sous deux aspects. Le premier, il est lié au passage dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit pendant un nombre déterminé de jours. Un nombre déterminé, c'est-à-dire un nombre restreint de jours. Cette adoration-là, qui est une adoration éminente, grandiose, immense, recelant de nombreux mérites, elle s'accomplit durant un nombre déterminé, un nombre restreint de jours. Cela montre donc la facilité et la simplicité résidant dans le fait d'atteindre ce degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre aspect, nous nous rendons compte également que cela est simplifié et facilité par Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'Allah azza wa jal ait dit « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » Donc tu retrouves ici la simplicité et la facilité qui se présente à celui qui viendrait être malade ou en voyage. Qui aura donc la possibilité de jeûner un nombre égal d'autres jours. والوقفة السادسة مع قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن هذا الموسم العظيم هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل عليه السلام القرآن في كل عام مرة وفي العام الذي توفي فيه مرتين وذلك في شهر رمضان ومن هذا المنطلق كان يجتهد سلفنا الصالحون في قراءة القرآن في هذا الموسم المبارك فلنستعد جميعا لذلك لنجتهد في قراءة القرآن وفي حفظه ومراجعته والتفقه في معانيه ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد Également parmi les enseignements à tirer de ces quelques versets-là, et c'est là le sixième enseignement, il y a celui qui est lié au passage dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ces jours sont le mois de Ramadan » au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Il y a dans cela une indication claire vers le fait que cette période bénie est une période durant laquelle il est opportun de fournir des efforts dans la lecture du Coran, dans la récitation du Coran, dans l'apprentissage du Coran, dans la mémorisation du Coran, dans la révision du Coran. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, venait lui faire réviser le Coran chaque année une fois. Et l'année de son décès à deux reprises. Et cela s'est passé durant le mois de Ramadan. Et à partir de là, nos pieux prédécesseurs fournissaient de grands efforts dans la lecture et la récitation du Coran durant ce mois-là. Nous devons donc nous préparer à cela. Bien qu'en vérité, ils nous soient demandés de lire le Coran durant toute l'année. Et en vérité, il est plus que répréhensible et blâmable de n'ouvrir le Coran que pendant le mois de Ramadan. Car en vérité, nous devrions chaque jour fournir des efforts dans cela. Et encore plus durant le mois de Ramadan. Ça donc concernant celui qui serait au point à ce niveau-là. Et concernant celui qui serait négligent alors qu'il utilise cette période bénie pour combler ce manquement-là et pour recommencer, donc tourner une page, ouvrir une page nouvelle, et s'habituer à lire quotidiennement le Coran, qu'il commence donc par ce mois-là, le mois de Ramadan, et qu'il s'y prépare même dès maintenant, et qu'ensuite, il continue à fournir des efforts dans ce sens-là, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite et qu'il nous accorde son aide et son assistance. Wallahu al-musta'an. الوقفة السابعة مع مقاصد هذا الشهر أو مع مقاصد أداء هذه العبادة في هذا الشهر المبارك إن الله تبارك وتعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن مقاصد أداء هذه العبادة إكمال العدة. نعم، وتتعود بهذه المناسبة على إتمام ما تشرع فيه من الخيرات. وكان سلفنا الصالحون يكرهون جدا ألا يتموا ما قد بدأوا فيه من الأمور الخيرية والأعمال الخيرية، فعلينا أن نتعود على ذلك. حتى إن بعض سلفنا الصالحين كانوا في الأمور الدنيوية المباحة طبعا يحرصون على إتمام ما قد شرعوا فيه لكراهتهم ترك وإهمال ما قد بدأوا فيه من الأعمال. ثانيا التكبير، ومن ذلك التكبير من رؤية هلال شوال إلى الفراغ من خطبة العيد. نعم، وكذلك من مقاصد أداء هذه العبادة في هذا الموسم العظيم شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظمى. أنت إذا ما فرغت من أداء عبادة لا ينبغي أن تعجب بنفسك، بل عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى وأن تستغفره عز وجل مما قد حصل من خلل في أدائك هذه العبادة. أما العجب فهو داء عظيم وعيب وعار على صاحبه، فعليك بارك الله فيك أن لا تعجب بنفسك، بل تشكر الله تبارك وتعالى وتستغفره مما قد حصل حتما من خلل في أدائك لهذه العبادة ولغيرها من العبادات. Également, donc, parmi les enseignements que l'on peut mentionner, c'est certainement le septième. Il y a des finalités à atteindre dans le fait d'accomplir cette adoration durant ce mois. Parmi les finalités, le fait, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, de compléter le nombre. Compléter le nombre de jours à jeûner. D'ailleurs, nos pieux prédécesseurs répugnaient le fait de ne pas terminer ce qu'ils commençaient en termes d'œuvres pieuses. Il a même été rapporté que certains de nos pieux prédécesseurs prenaient pour habitude de ne pas délaisser quelque chose qu'ils avaient entamé, même si cela faisait partie des œuvres liées à ce bas monde, bien sûr, condition qu'elles soient permises. Et ce, afin de ne pas s'habituer à la négligence et au fait de délaisser les choses qui ont été entreprises. Naam. Également, parmi les finalités à viser, il y a le fait de proclamer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand. Naam. Et fait partie de cela, le fait de proclamer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand, en disant Allahu Akbar, à partir de la vision du croissant de lune marquant le début du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le numéro combien dans l'année? 8, 9, 10. Naam. Et Ramadan, c'est le numéro combien? 9. Et le numéro 8, alors c'est combien? C'est lequel? Sha'ban. Donc là, on est dans le mois numéro combien? Numéro 8. Numéro 8. Et le mois prochain sera dans le mois numéro combien? Numéro 9. Naam. Qui correspond au mois? Au mois de Ramadan. Et ensuite, ça sera Shawwal. Donc le takbir, où il fait partie du takbir qui est visé ici, le takbir, à partir du moment que tu vois le croissant lunaire marquant l'apparition du mois ou l'entrée du mois de Shawwal. Na'am, jusqu'à la fin du serment de l'Eid. Na'am. Et également parmi les finalités à viser, le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là quelque chose d'important. Lorsque tu achèves une adoration, ne sois pas imbu de ta personne. Ne sois pas ébloui par ce que tu as fait. Na'am. Mais plutôt, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui t'a facilité et qui t'a accordé son aide afin que tu accomplisses cette adoration-là. Na'am. Et demande lui-même pardon pour les manquements dont tu t'es forcément rendu coupable durant ton accomplissement de cette adoration. C'est là quelque chose d'important à laquelle nous devons nous habituer. Le fait d'être modeste, d'être humble face à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu viens d'accomplir une adoration, ne sois pas imbu de toi-même. Ne sois pas ébloui par ce que tu viens de faire. Mais sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui t'a facilité le fait de faire ce que tu as fait. Et demande-lui pardon. Et d'ailleurs cela est un enseignement que l'on peut tirer des textes du Coran et de la Sunna. À titre d'exemple, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم سورة النصر que vous mémorisez certainement tous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, il s'adresse ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore lui son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Médite quelque peu sur cette sourate, bien qu'elle soit courte, contient d'énormes enseignements. Et dis-toi que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été désigné prophète à l'âge de 40 ans, et qu'il est décédé à l'âge de 63. Et que cette période de 23 années, ça a été une période de lutte, une période d'effort sans relâche, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça a été une longue période de préjudice, d'endurance, de patience, na'am, parfois de persécution, de don de soi. Allah tabaraka wa ta'ala, après tout cela, il lui dit: lorsque viendra le secours venant d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule, en masse dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur, excusez-moi, et implore-lui son pardon. Il y a dans cela, comme l'ont dit les ulama, une indication vers le fait que lorsque tu achèves une adoration, il est légiféré que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque tu termines la prière, il est légiféré que tu demandes le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne qui méditerait dirait: comment peut-il nous être demandé de demander le pardon d'Allah alors que nous venons de chercher à nous rapprocher de lui? Et bien c'est justement dû au fait qu'il y a forcément dans ton adoration des manquements, des négligences, na'am, et que pour combler cela, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et également tu dois être reconnaissant vis-à-vis de lui, azza wa jal. Wa la'allana naqifu 'inda dhalik wa nu'ajjil al-kalam 'amma baqi min al-ayat إلى حصة الغد إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبعد المغرب إن شاء الله نتدارس شيئا مما يتعلق بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون Après le Maghreb, inshallah, on va aborder ensemble le hadith. Il ne cessera de subsister une faction de ma communauté secourue sur la vérité. Ne leur nuront point ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les délaissent lâchement, et ce jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah alors qu'ils sont toujours secourus. Et on demande à Allah de nous accorder son aide.